Martine. Avec François Couillard, maintenant dans le quartier Saint-Roch, on est au cœur du parc Saint-Roch parce que la thématique de cette promenade-là ici dans le quartier, c'est l'héritage du maire Jean-Paul Lallier, donc dans l'urbanisme du secteur. Donc avec François Couillard, quel sera le parcours, qu'est-ce que les participants vont voir, qu'est-ce que vous voulez susciter comme réflexion, comme observation? Bien, pour ce qui est du parcours, on va commencer à la Maison-Blanche, en bas de l'escalier des glaciers. Donc, on va commencer en parlant de la Nouvelle-France. On va venir à l'origine un peu du quartier. Puis, on va se diriger comme ça, à travers le quartier, on va se diriger après ça vers l'îlot Fleury, vers la coopérative Méduse. Après ça, on va aller au Jardin Saint-Roch, qui est considéré comme le legs le plus important de Jean-Paul Lallier, ou en tout cas le symbole du renouveau de Saint-Roch sous l'Allier. Après ça, on va aller sur la plage dans le quartier, on va parler de la radio Sequoia. Et on va finir ça à la nef, là, qui est située au coin à Caron et Saint-Joseph. Là. Donc, les projets qui ont fait la marque de M. Lallier, vous me dites aussi, mais peut-être les mauvais coups aussi, les bons et les mauvais coups, on va vraiment au sens large. C'est ça, on veut parler, c'est important ce qui s'est passé. Jean-Paul Lallier est décédé, donc on voulait en parler. On voulait revenir un peu sur ce qu'il a fait dans le quartier. Mais on voulait pas juste faire un hommage, on va aussi parler là, des ses bons coups, des ses mauvais coups. Là. Donc, on va pas juste parler de Lallier, mais ça va ponctuer, si on veut, là, des arrêts là, dans le quartier. On est donc au cœur de ce parc Saint-Roch. On parle même peut-être de changer le nom pour lui donner le nom de M. Lallier. Qu'est-ce qui fait dans un quartier comme Saint-Roch que ce parc-là, ce projet-là a été un peu salvateur pour le quartier? Vraiment, ça a changé le visage du quartier d'un point de vue urbanistique, parce que c'est un peu ça dont on parle. Qu'est-ce qui fait qu'un projet comme celui-là a vraiment changé le visage du quartier Saint-Roch? Bien, le quartier Saint-Roch, à l'époque, c'était, donc on parle début des années 90, c'était un quartier qui était un peu glauque pour une raison bien simple, c'est que tous les paliers de gouvernement s'étaient concertés depuis les années 70 pour faire un gigantesque trou dans le quartier. Donc, ils appelaient ça, à l'origine des années 70, c'était la zone 2. Donc, on essaie de tout exproprier puis de raser, dans le fond, le quartier résidentiel qui se trouvait ici. Et donc, pendant 20 ans, il y a eu un trou ici. Peut-être que les plus âgés s'en souviennent, là, c'était vraiment glauque. Là. C'était comme un gros terrain vague géant là, avec des ruines puis des ordures. Donc, ça a plongé le quartier dans une sorte de torpeur. C'est pas gay d'avoir un quartier comme ça. Et donc, le Jardin Saint-Roch, après moult rebondissements, ça a été comme une sorte de la graine là, qui a réussi à faire germer la rose là, dans le fumier. Là. C'est ça qui, dans le fond, qui a été le signal de départ. Mais en réalité, il y a des gens qui disent ça, mais on pourrait dire aussi que c'est l'îlot Fleury qui était organisé par des citoyens, qui a été fait en 91. Donc, quelques années avant le parc, il y a eu aussi Méduse, qui a été aussi une partie de cette semence-là qui a été mise dans Saint-Roch. Là. Donc, c'est pas juste le parc, c'est pas juste le Jardin Saint-Roch. Puis là, les gens se sont rendus compte, ah tiens, le Saint-Roch peut être aussi un beau quartier, peut être aussi quelque chose d'attrayant. Donc là, ça a pu intéresser les gens, ça a pu attirer les gens comme des institutions publiques à venir s'installer ici parce qu'ils se sont rendus compte que la ville avait vraiment une intention de développer, était sincère dans leur intention d'améliorer le quartier. Les promenades de Jane, c'est pour souligner la mémoire de Jane Jacobs, donc cette urbaniste influente, militante. Monsieur Lallier était lui-même un urbaniste de formation. Est-ce qu'il y avait des ressemblances dans leur façon de voir, d'observer, de développer les villes? Bien, moi, c'est difficile de faire des comparaisons parce que John Jacob était à l'époque de la rénovation urbaine. Elle était vraiment dans au moment où les autoroutes se construisaient puis les tours à bureaux se construisaient. Alors qu'elle a pu s'opposer à ces projets-là. Lallier, lui, est venu après que les projets de rénovation aient été faits. T'sais, elle, John Jacob, elle a, par exemple, l'a empêché une autoroute à Toronto d'être construite à travers le quartier chinois. Et ici, l'autoroute a été construite sur le quartier chinois. Donc, Lallier, peut-être la comparaison que je fais avec Jane Jacob, c'est que Jane Jacob voulait des villes à visage humain. Elle ne voulait pas de tours, elle voulait des choses plus modestes, des beaux quartiers. La ville devait appartenir aux gens qui y habitaient. Jean-Paul Lallier, effectivement, par exemple, justement, à Saint-Roch, il a contesté le projet de grande place qui était porté par l'administration précédente, qui comportait des tours de bureaux importantes d'une vingtaine d'étages, si je me souviens bien. Donc, il s'est opposé à ce projet-là pour arriver avec un autre projet qui était plus modeste. Puis c'est le projet qui a gagné, dans le fond. C'est un projet où il y a de la place à l'habitation, c'est plus à visage humain, dans le fond, comme développement. Là. Je rappelle que cette promenade, c'est samedi, 10h30, point de départ au pied de l'escalier des glaciers dans le coin de l'îlot Fleury, Emmaüs, dans ce coin-là, on se situe. Alors, demain matin, 10h30, merci beaucoup François Couillard qui va vous guider dans cette promenade de James, donc la première d'une suite de trois. Et je vous présente une autre promenade tout à l'heure, celle dans le quartier Saint-Sacrement qui aura lieu dimanche matin. Merci beaucoup Martine. Sur le site d'Accès Transport Viable, tout à l'heure, on a aussi tous les détails pour les points de départ, les heures aussi de ces promenades de James de la fin de semaine. C'est samedi et dimanche, 7h33. Ici.